Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Ce dimanche 3 décembre 2017, c'est la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec le handicap. Et le président de la Fédération des associations des personnes handicapées, considère que le gouvernement du Burundi a franchi un pas à ce qui est du traitement des personnes vivant avec le handicap. Plus de 2000 dossiers ont été traités par le tribunal de grande instance de Mwaro au cours de la campagne de juin à octobre dernier, une campagne qui visait à vider tous les vieux dossiers qui s'y trouvaient. Et les maladies parasitaires, à savoir l'onchocercose et la lèpre, sont certaines maladies et qui s'observent ici au Burundi. Cela est dit par Dr Victor Buchumi, qui interpelle la population burundaise à promouvoir l'hygiène corporelle et celle des aliments pour lutter contre ces maladies. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal qui vous est présenté par Didier Nyonzima et la mise en œuvre est assurée par Albert Douaillot. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue, je vous le disais dans les titres, le gouvernement du Burundi a franchi un pas en ce qui concerne le traitement des personnes vivant avec le handicap. Cela est dit par le président de la Fédération des associations des personnes handicapées, Cassien Bizabigomba, le dit au moment où ce dimanche 3 décembre est la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec le handicap. Suivez Cassien Bizabigomba, il est au micro d'Evra Vialimana. Au nom de la Fédération des associations des personnes handicapées du Burundi et à mon nom propre, si nous ne sommes pas satisfaits à 100%. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont on traite les personnes vivant avec leur handicap? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous demandez? Bon, nous ne sommes pas satisfaits à 100%, mais nous sommes un peu satisfaits. Nous demandons au gouvernement, pour que nous soyons satisfaits, il faut d'abord qu'il y ait une loi qui régit les personnes handicapées, qui soit en vigueur. Donc, il y a une loi de mise en vigueur qui n'est pas encore adoptée par le Parlement. Donc, il faut que cette loi soit bien étudiée, bien corrigée, pour que tous les besoins des personnes handicapées soient dans cette loi et que sa promulgation, il faut que cette loi soit vraiment bien corrigée en consultance avec les personnes handicapées pour que cette loi doit quand même satisfaire aux besoins des personnes handicapées. C'était Cassien Bigomba, le président de la Fédération des associations des personnes vivant avec le handicap. Et on poursuit ce journal avec la page éducation. Certains enseignants ont été envoyés dans des lieux inaccessibles et sans logement lors du déploiement des enseignants province Makamba. Le constat est dit représentant du syndicat Konapes dans cette province qui précise que certains paient de doubles loyers. Il ajoute que les cas sociaux n'ont pas été pris en compte, spécialement certains de cas de maladies chroniques. Félix Alelimana considère que la commission chargée du redéploiement devrait effectuer une descente sur terrain afin de reconsidérer certains cas. Suivez-les. Il y a des gens envoyés dans des coins inaccessibles où ils ne vont pas trouver du logement. C'est un problème pour les élèves qui vont recevoir cet enseignant qui ne peut pas effectivement trouver ou loger proche du travail. C'est un problème aussi au niveau des moyens. Il y a des gens qui sont dans des crédits pour pouvoir construire leur maison. Voilà maintenant, ils sont redéployés dans un autre endroit où ils doivent effectivement payer le loyer. C'est un double problème. Il y a d'autres qui ont des maladies chroniques. On n'a pas tenu compte de cette situation de maladie chronique. Et imaginez-vous, ils sont envoyés dans des coins où il n'y a pas des hôpitaux. Comment est-ce qu'ils vont se faire soigner? Donc, une grande gamme de problèmes qu'effectivement la commission devrait encore s'y pencher, faire des descentes pour essayer de trouver des solutions à ces différents problèmes. Je crois que si on fait un travail, c'est très rare de faire un travail et de réussir à 100%. Il faut effectivement accepter les recours, repasser sur le terrain et pour voir effectivement si on peut réparer certains pots cassés. À présent, page santé, les maladies parasitaires, l'onchocercose et la lèpre sont certaines maladies négligées qui s'observent ici au Burundi, comme l'indique Dr Victor Wuchumi, directeur du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées et la cécité. C'était lors d'un atelier média pour la préparation de la semaine santé mère-enfant prévue Du 5 au 8 décembre de cette année, il interpelle la population burundaise à promouvoir l'hygiène corporelle et celle des aliments pour lutter contre ces maladies. Et aux riziculteurs, il conseille de mettre les chaussures couvrant les jambes, pour se protéger contre la bilariziose, une sorte d'helminthiase qui entre dans le sang en passant par la peau aussi. Nous avons des maladies tropicales négligées ici au Burundi. C'est notamment les parasitoses intestinales. Ce sont des helminthiases qui sont transmises par le sol. Dans cette catégorie de maladies, on trouve la scaldiase. La plupart des Burundais connaissent que pas mal d'enfants souffrent de la scaldiase. C'est notamment aussi l'ankylostomiase et la trichocéphalose. À part ces trois helminthiases transmises par le sol, il y a aussi la schistosomiase ou bilariziose. Nous avons également l'oncocercose, notamment dans la plaine de Limbo et dans les dépressions de Kumoso. Nous avons également lèpre. Nous avons également une autre maladie tropicale négligée qui s'appelle trachome. Ces maladies dont je viens de parler, donc, qui existent au Burundi, si je prends cas par cas, pour les helminthiases, ce sont des maladies qui se transmettent par ingestion ou ingurgitation d'aliments contaminés par les œufs de ces parasites. Et la meilleure façon de se prévenir, c'est de promouvoir l'hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire. Pour la bilariziose, c'est une maladie également parasitaire qui se transmet par voie cutanée. Les gens sont contaminés en fréquentant les eaux stagnantes ou les endroits où on cultive du riz avec irrigation. Ça se transmet en étant en contact avec l'eau dans laquelle se trouvent ces parasites. Pour se prévenir de cette maladie, il faut également assainir le milieu, essayer de drainer les eaux stagnantes, empêcher les enfants de jouer dans les zones stagnantes et associer également à cette prévention l'administration du médicament que l'on appelle praziquantel pour barrer définitivement la transmission de cette maladie. Pour les autres maladies comme le trachome, également ça, il faut promouvoir les mesures d'hygiène corporelle, le lavage dans le visage avec de l'eau propre et savonneuse. Concernant les autres maladies comme la lèpre, nous avons ici au Burundi un programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose qui s'occupe de la lutte contre cette maladie. Les médicaments existent. Il y a des séances de sensibilisation de la population pour se prévenir de cette maladie. Nous voyons avec les enquêtes d'impact que la prévalence pour ces maladies a fortement diminué et nous sommes en phase de contrôle de ces maladies. Bientôt, nous allons évoluer vers l'élimination. Donc, l'avenir est prometteur pour l'éradication de ces maladies dans la population burundaise. C'était Dr Victor Wuchumi, directeur du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées et la cécité. Et direction, à présent direction Mngaro, où plus de 1000 dossiers ont été traités par le tribunal de grande instance de Mngaro au cours de la campagne de juin à octobre dernier. Une campagne qui visait à vider tous les dossiers et qui s'y trouvait. Moins de 60 autres dossiers n'ont pas pu être analysés d'après le juge président de ce tribunal. Et l'absence de véhicules, insuffisance en personnel à ce tribunal sont les uns parmi les défis auxquels ils doivent faire face. À Mngaro, nous appelons notre correspondant Laurent Dicourio. Au cours de cette campagne de juin à octobre 2017, les magistrats du tribunal de grande instance de Mngaro devaient arriver sur le terrain des justiciables et procéder à la vérification des exécutions faites par les tribunaux de résidence, des jugements rendus par différents tribunaux. Sur 1087 dossiers prévus, les juges du tribunal de grande instance de Mngaro ont pu traiter et clôturer 1029 dossiers, tous en rapport avec les conflits fonciers. 58 dossiers n'ont pas pu être vidés, selon le juge président du tribunal de grande instance de Mngaro. À ces derniers, environ 80 nouveaux autres dossiers sont ajoutés après cette période. Il précise que lors de cette campagne, certains obstacles se sont présentés en cours de route. Ces derniers sont notamment les pistes et les ponts qui, des fois, ne sont pas en bon état. Le juge président du tribunal de grande instance de Mngaro, Thomas Nukamazina, dit qu'il est arrivé des fois où des magistrats devaient parcourir plusieurs collines à pied pour contourner afin d'arriver à la colline de destination. Ce tribunal n'a pas non plus de véhicule depuis environ 3 ans, ce qui handicape certains déplacements. Thomas Nukamazina, juge président du tribunal de grande instance de Mngaro, dit qu'il arrive des fois où ils doivent emprunter des véhicules à d'autres services dans cette province, mais il peut arriver que ces derniers ne soient pas toujours disponibles. Le logement dans les communes de cette province de Moaro manque aussi. Il précise qu'il est arrivé des fois où les magistrats devaient loger à Gitega ou à Matana. L'insuffisance de magistrats à ce tribunal, qui n'en compte que 13 seulement, fut un autre obstacle. Le juge président de ce tribunal de grande instance de Moaro demande au ministère de la Justice de leur doter de nouvelles unités en personnel ainsi que le matériel appelé GPS pour le mesurage sur les terrains des justiciables. Signalons que 85% des dossiers traités au tribunal de grande instance de Moaro sont relatifs aux conflits fonciers. De Moaro, Laurent Dikourio, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dikourio. La pêche est un métier que les femmes peuvent pratiquer comme les hommes, contrairement à ce que pensent la plupart des hommes. Gabriel Boutoyi, président de la Fédération des associations des pêcheurs et fournisseurs du poisson Burundi, l'a déclaré ce samedi dans une rencontre avec la communauté des pêcheurs dans la plage de Rumonge, au moment où la plupart des hommes croient que le lac cesserait de produire si les femmes se mettaient à pêcher. Les détails avec notre correspondant à Rumonge, Jean-Pierre Misago. Pour la plupart des hommes pêcheurs de la plage de Rumonge, il est strictement interdit aux femmes de pêcher, de peur que le lac cesse de produire du poisson. Selon Gabriel Boutoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, la pêche est un métier qui peut être pratiqué par n'importe qui en est apte. Ceux-là qui sont hostiles à ce que les femmes pratiquent la pêche croient encore aux interdits ancestraux qui étaient pratiqués à la fois dans la chasse et la pêche, les deux activités étant régies par une même loi dans les années 1937. Aujourd'hui, poursuit Gabriel Boutoyi, la pêche est régie par une loi à part et il n'y a pas de fétichisme. Par ailleurs, dans plusieurs pays comme au Sénégal, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et dans les îles, les femmes font la pêche et certaines Burundaises qui le désirent sont les bienvenues. À ceux qui pensent que cela entre en contradiction avec la récente décision administrative suspendant les activités des femmes cuisinières et des pêcheurs, Gabriel Boutoyi dit que ces femmes n'ont pas été définitivement chassé de la communauté des pêcheurs, mais qu'il est question de voir comment réformer leurs activités. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago et c'est par ce journal que nous terminons, ce reportage que nous terminons ce journal, mais avant d'y mettre un point final, nous vous rappelons que ce dimanche 3 décembre 2017, c'est la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec le handicap et le président de la Fédération des associations des personnes handicapées considère que le gouvernement du Burundi a franchi un pas en ce qui est du traitement des personnes vivant avec le handicap. Et plus de 1000 dossiers ont été traités par le tribunal de grande instance de Mwaro au cours de la campagne de juin à octobre dernier, une campagne qui visait à vider tous les vieux dossiers qui s'y trouvaient. Et les maladies parasitaires, à savoir l'oncocercose et la lèpre, sont certaines maladies négligées qui s'observent ici au Burundi. Cela est dit par Dr Victor Bouchoumi, qui interpelle la population burundaise à promouvoir l'hygiène corporelle et celle des aliments pour lutter contre ces maladies. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaï pour la mise en onde. Didier Nyanzima qui vous présentait ce journal. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt.